monde tourne sa musique sur des orgues de barbarie. Et pour lui donner la réplique, c'est le public qui est ravi. Il tire encore de son chapeau des refrains pleins de petits trous, avec des filles et des marlous et la bonne odeur du lilas. Il fait chanter au coin des rues, au fond des places et sous les toits, des airs que nous avons connus, que l'on connaît, qu'on n'oublie pas. Et voilà que ça se met à chanter du gris que l'on prend dans ses doigts, de Barbara à Mouji, avec des rêves de diva. Il tourne, tourne sa musique sur des orgues de barbarie. Et pour lui donner la réplique, c'est le public qui est ravi. Il tire encore de son chapeau des refrains pleins de petits trous, avec des filles et des marlous et la bonne odeur du lilas. Il fait chanter plus qu'il ne chante aux petits feuillets, prenez le temps de pousser un peu la goualante. Laisse-toi aller au sentiment. Sur le trottoir, la vie est belle, y a du bonheur en contrebas, de nos vies qui doucement se mêlent à celle du tourneur pour une fois. Il tourne, tourne sa musique sur des orgues de barbarie. Et pour lui donner la réplique, c'est le public qui est ravi. Il tire encore de son chapeau des refrains pleins de petits trous, avec des filles et des marlous et la bonne odeur du lilas. Il tourne, tourne ses cartons au rythme du temps qui s'en va. Le cercle grandit en cadence autour du tourneur dans la joie. Autour de lui, des inconnus qui d'un seul coup se reconnaissent dans un refrain, une caresse. Bonne journée et chapeau bas. Bonne journée et chapeau bas.